à tous, vous écoutez Radioactive et c'est l'heure d'une nouvelle édition du Mac d'Actu, une émission qui vous propose de découvrir chaque jour une initiative locale, une association, un projet, une manifestation, en bref, tout ce qui fait la richesse de notre territoire. Si vous habitez autour d'Amboise, vous avez très certainement remarqué ces petits panneaux en bord de route annonçant les 30 ans de l'association Les Jardins de Contrat de Montreuil en Touraine ce dimanche 5 mai. Nous avons décidé d'aller à la rencontre de leur équipe pour tout savoir du programme qui attend les visiteurs. Nous sommes accueillis par Yannick Moreau, directeur technique, et Lola Ligère, encadrante technique. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler, déjà pour commencer, de votre mission à chacun? En quoi ça consiste? Alors, Yannick, directeur technique? C'est dans le terme. Moi, je m'occupe de tout ce qui est technique à la ferme. J'ai une collègue donc, qui elle, est directrice administrative. Un homme, une femme, même âge, même rémunération. Moi, je m'occupe donc de tout ce qui est technique et aussi de la partie ressources humaines. Donc, je m'occupe de tout ce qui peut ne pas fonctionner dans la ferme et je m'arrange pour que ça fonctionne, en gros. Voilà. Très bien. Et Lola, en tant qu'encadrante technique? Oui, moi, mon rôle, ça va être d'accompagner les équipes sur les activités de production, mais également de réaliser la composition des paniers, donc le contenu des paniers que l'on retrouve en livraison donc chaque semaine. J'ai aussi des responsabilités dans la commercialisation, donc je fais une partie du lien avec les magasins. C'est important, c'est une grosse partie aussi de votre boulot. Alors, peut-être qu'avant de parler de l'anniversaire, qui est le thème central de cette émission aujourd'hui, de nous rappeler ce que c'est que les jardins de contrat. Vous nous avez donné quelques éléments de réponse déjà, mais rappelez-nous ce que c'est. Alors, Jardin Contrat, on peut dire que c'est une exploitation quand même maraîchère. On produit des légumes bio de saison toute l'année, donc ici à Montreuil-en-Touraine, et qu'on livre sous forme de panier. Mais c'est aussi un chantier d'insertion, c'est-à-dire qu'on aide des gens qui sont en difficulté à un moment donné dans leur recherche d'emploi, et ou des fois tout simplement aussi dans leur vie, à trouver des solutions. Voilà. Alors, les personnes qui arrivent ici, ce sont des contrats de 6 mois renouvelables jusqu'à 2 ans, si je ne me trompe. C'est des gens qui sont prescrits par des travailleurs sociaux ou est-ce qu'on vient taper à la porte avec son CV pour être embauché au jardin de contrat? Alors, la plupart du temps, ce sont quand même des gens qui sont prescrits. On peut venir, mais c'est plus simple quand même de passer soit par son référent RSA, soit par France Travail maintenant. Voilà, c'est quand même plus simple comme ça. Les gens qui sont en difficulté devant l'emploi, nous, on leur propose de leur filer un coup de main, d'essayer de leur trouver des solutions. Le maraîchage permet quand même de donner une bonne vision des problématiques de chacun, en fait. Ouais. Et c'est un bon appui pour connaître les points forts, les points faibles, et puis de savoir dans quel sens on peut leur filer un coup de main. Très souvent, c'est surtout de la remise en confiance. C'est des gens qui ont perdu un petit peu confiance en eux et qui ont besoin de se remettre en confiance. Et nous, on les aide beaucoup en ça, en fait. Alors, c'est pas forcément des personnes qui sont déjà issues du milieu agricole. Ils ont pu faire totalement autre chose et réapprendre à un métier? Oui, alors absolument, on n'est pas ici pour former des maraîchers. Vraiment, le maraîchage, c'est vraiment un support d'activité. Ça nous permet quand même d'observer en fait, les gens en milieu de travail et de les orienter vers des domaines qui leur plaisent. Et puis, le contrat, il leur permet surtout aussi d'avoir du temps, parce que c'est des contrats qui sont à 24 heures par semaine, voilà, dans un premier temps. Et ça leur permet quand même d'avoir du temps pour travailler aussi de leur côté sur leur projet professionnel. On ne fait pas les choses à leur place ici, on les aide, voilà. Vous avez combien de superficie de culture? Environ 10 hectares de maraîchage en plein champ et on a 2 hectares sous abri. D'accord. Voilà. 2 hectares sous abri, ça nous permet d'avoir des productions de printemps et d'automne. Et puis aussi d'avoir un peu pour l'hiver. Mais pour l'hiver, on a surtout des grandes chambres froides qui nous permettent de conserver quand même pas mal de légumes. Mmh. Ce qui nous permet aussi de fournir des légumes à des petits producteurs qui sont dans la région. Ça, c'est son travail à Lola, de leur proposer une mercuriale pour qu'ils puissent venir nous acheter des légumes. Ça leur permet à eux de maintenir leur vente directe. Voilà. Ok, donc on a évoqué évidemment une grande partie de votre activité, ces fameux paniers bio. Donc tout est cultivé sur place, on l'a bien compris. Comment ça se passe? Un panier est composé de quoi? Est-ce qu'on peut adhérer? Comment ça se passe finalement ce système? Donc nous avons 3 formats de paniers, les petits, les moyens et les grands. Donc dans les petits, on retrouve 4 légumes différents, dans les moyens 5 et dans les grands 6. On fonctionne avec un abonnement qui est annuel, avec une période d'essai, comme ça on peut essayer sur un mois, et puis si ça ne convient pas, on arrête. Mmh. Donc pour s'inscrire, il suffit de contacter les jardins de contrat. On peut aussi s'inscrire sur internet directement. Les paniers sont ensuite livrés sur un point de dépôt. Il y en a 65 dans le département, donc il y a quand même moyen d'en trouver un près de chez nous. Oui, alors justement, on l'évoquait hors antenne, mais ce n'est pas que sur le Val d'Amboise. Vous avez une zone géographique qui est plus étendue que ça. Oui, effectivement, on va jusqu'à Tours, un petit peu au nord du département, Château-Renaud, Chenaux, toute la zone périurbaine de Tours, hein, jusqu'à Mont au plus loin, et puis Amboise aussi, évidemment. D'accord. Alors, on précise quand même à nos auditeurs qu'il s'agit de légumes de saison. On choisit pas le contenu de son panier, en fait. C'est pas à la carte. Hein. Non, effectivement. C'est une composition qui se fait en fonction de ce qu'on a dans les champs à ce moment-là. Alors, ce qui est très bien sur votre site internet, c'est qu'on peut souscrire à nos paniers et en plus, on a des idées de recettes. C'est-à-dire qu'il y a toujours la petite fiche recette qui permet de pouvoir cuisiner les légumes qu'on aura dans son panier. Oui, on essaye de donner des idées parce que, effectivement, comme l'abonné ne choisit pas forcément le contenu de son panier, il y a des choses qui peuvent être un petit peu plus compliquées à cuisiner où on a moins d'idées. Donc, voilà, ça accompagne aussi. Et puis parfois, on ne choisit pas forcément d'avoir, par exemple, trois fois d'affilée dans son panier des épinards. Donc, on va avoir besoin d'un petit peu d'aide pour les cuisiner différemment. C'est rare, ça. C'est rare. Oui, c'est rare. Non. De temps en temps, on peut avoir des légumes qu'on n'aime pas. Mais les légumes qu'on n'aime pas, oui. Soit on apprend à les cuisiner de façon différente et soit on les amène à ses voisins. Ça permet de faire des liens avec les voisins et ou ben les voilà. Amis. Voilà. Exactement. Combien de salariés en contrat d'insertion vous accueillez sur une année, par exemple ? Alors, sur une année, on signe à environ 45 contrats pour des salariés en insertion. Voilà. C'est la moyenne de contrats qu'on a sur la ferme habituellement. Là, en ce moment, il va y avoir 47 contrats de salariés en insertion. Et c'est un petit peu tout profil, c'est-à-dire que ça peut être à la fois des jeunes comme des moins jeunes. Alors oui, c'est très large. C'est-à-dire que là, le plus jeune en ce moment, il doit avoir 21 ans. Le plus vieux, 63. Vous voyez, des hommes, des femmes, un peu tous les profils. On a quasiment... Là, ça baisse un petit peu, mais on a quasiment autant d'hommes que de femmes en ce moment. Alors, le plus possible, on a essayé de travailler sur l'ergonomie du travail et on met en place des choses pour vraiment que les gens ne se cassent pas le dos ici. Le but, ce n'est pas de casser les gens au travail, c'est vraiment de les préserver au maximum. Donc les femmes peuvent venir aussi travailler au genre de contrat, il n'y a vraiment aucun problème. Donc intergénérationnel, mixité culturelle, ouais. Parité, tout y est. Et vous avez une idée de ce que ça peut représenter depuis 30 ans que cette association existe et œuvre dans le champ de l'insertion sociale et de l'économie solidaire, pour le coup. Ça fait combien de personnes en 30 ans qui ont pu être accompagnées ? Alors, on a fait un petit calcul là, parce qu'on n'a pas de compte exact, mais approximativement 850 à 900 personnes qui sont passées au jardin de contrat et ont été accompagnées ici, voilà. Ben, je pense que vous pouvez être fiers de votre travail. Merci. Alors, on va en venir à l'actualité de cette fin de semaine. Dimanche 5 mai, l'association célébrera, comme les auditeurs l'auront bien compris, ses 30 années d'activité. Qu'est-ce que vous organisez à cette occasion ? Alors, il y aura plein de choses. Donc, il y a les choses habituelles que nous proposons lors de nos portes ouvertes. Donc, des visites de culture avec la possibilité d'acheter des légumes, de se restaurer sur place. Il y aura aussi un marché de producteurs avec 25 exposants qui sont artisans, producteurs locaux, mais aussi photographes, dessinateurs. Il y aura également des associations locales. Et il y aura aussi cette année 4 groupes de musique. Très bien. Est-ce qu'on connaît le nom des groupes ? Oui, alors il y aura Jean l'artiste qui va jouer en début de journée. Nous aurons ensuite les Cool Porters qui commenceront à 14h. Et à 16h30, nous avons deux groupes de Reni, But or Not et Pas de chez nous. Qui le sont pourtant. Qui le sont. Ah super, un super programme. Vous parliez Lola de vente de légumes, est-ce qu'il y aura possibilité d'acheter des plants de légumes aussi pour son potager ? Oui, tout à fait. Nous organisons aussi une vente de plants. Donc, il y aura des concombres, des salades, des plants de persil et des plants de tomates. Super. Et là, ça y est, c'est l'époque où il faut attendre encore un peu ? Oh, on peut attendre encore une semaine ou deux, mais on va pouvoir bientôt démarrer le jardin. Super. Alors, vous pouvez nous rappeler les horaires ? Début des festivités ? À 10h, jusqu'à 18h. Très bien. C'est en entrée libre, évidemment. Un parking est prévu pour les visiteurs. Petite restauration, tout sera prévu sur place ? Oui, donc restauration proposée par le traiteur Nouvelle-Orléans Traiteur de Mont-Louis, qui propose de la cuisine Cajun et Tex-Mex. Voilà, il y aura également un brasseur et un vigneron. Vente de gâteaux, enfin voilà. Ce que Lola ne vous a pas dit non plus tout à l'heure sur son travail, c'est qu'elle ne fait pas que d'accompagner les salariés dans les champs, elle fait aussi de la conduite de tracteur, du travail du sol, de la préparation de terrain, des choses comme ça. Voilà. Ah oui, il y a aussi ça, oui. Mais c'était important de le préciser, Lola, quand même. Donc, si nos auditeurs n'ont pas eu assez d'informations dans cette émission, qui pourtant était quand même très bien menée, très bien détaillée, où peuvent-ils se renseigner ? Alors, ils peuvent se renseigner sur le Facebook des Jardins de Contrat et sur le site internet également. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Lola Ligère. Je rappelle que vous êtes encadrante technique au Jardin de Contrat, donc qui se situe à la ferme du Roucheux, hein, à Montreuil-en-Touraine. Et Yannick Moreau, directeur technique. Merci beaucoup de votre accueil. Merci à vous, au revoir. Merci, au revoir. C'est la fin de ce mag. Bonne écoute de la suite des programmes sur Radioactive.